Moi, je me présente, je suis Evelyne Perrin, en ayant une carrière de contractuelle d'ailleurs dans l'administration publique, j'ai donc dans mon existence professionnelle tout le temps milité pour améliorer les droits des contractuels dans la fonction publique. Et après, j'ai fait une enquête auprès des chômeurs et des précaires, notamment au moment des grandes grèves de précaires, de la restauration rapide, etc., dans le commerce dans les années 2001, 2003, 2004. Donc mon bouquin est sorti en 2004, il s'appelle « Chômeurs et précaires au cœur de la question sociale » et je continue à militer dans les associations de précaires, notamment dans un réseau qu'on a contribué à créer en 2001 qui s'appelle « Stop Précarité », mais aussi je suis en lien avec pas mal d'associations de mouvements de précaires qui ont lancé notamment la grève des chômeurs en 2010, surtout en Bretagne. Et par ailleurs, j'ai fait aussi une grosse enquête que j'essaie de publier sur les luttes étudiantes depuis le CPE jusqu'à la LRU. Effectivement, je trouve que votre enquête est extrêmement intéressante parce que elle met l'accent à la fois sur les aspects conditions de travail des précaires, mode de vie des précaires, enfin ce stigmate et cette difficulté d'estime de soi. Mais elle met aussi l'accent, si j'ai bien compris, même si vous avez eu moins le temps d'en parler, sur les effets que peut avoir cette précarisation grandissante sur les conditions même de production et de circulation du savoir. Et ça me paraît très intéressant. Et justement, quand j'ai interviewé des étudiants dans le mouvement du CPE et puis ensuite, deux années de suite, dans le mouvement contre la LRU qu'ils ont lancé dès 2007, à la rentrée 2007, qu'ils ont essayé de relancer en 2008, cette dimension m'est peut-être insuffisamment apparue parce que j'essayais de centrer sur leur lutte et ce qu'ils dénonçaient dans la réforme, d'abord celle du CPE qui institutionnalisait la précarité et ensuite dans la réforme de la LRU qui mettait en place un fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche totalement différent avec une logique managériale de privatisation, etc. Peut-être que cette dimension précarité, moi en tout cas dans mes enquêtes, ils ne l'ont pas tellement souligné, donc je suis très heureuse qu'il y ait eu ce questionnaire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, justement, on assiste à des tentatives d'émergence de mouvements précaires dans différents secteurs. Donc je pense que votre enquête et ce que vous avez fait est très important pour le diffuser au sein de ces mouvements qui sont divers. Hein. Il y a plusieurs, par exemple, il y a des collectifs qui se créent, comme le collectif L'Appel et la Pioche, qui a été créé par des jeunes du NPA, mais qui maintenant se détache du NPA, qui fait des actions un peu spectaculaires contre la précarité. Il y a le réseau Stop Précarité, qui existe depuis 2001, qui fait des cours de droit du travail, qui va essayer de faire, dans plusieurs villes de province, des cours de droit du travail et peut-être mettre en place une revue électronique pour faire connaître les travaux des jeunes étudiants et des jeunes chercheurs, justement, sur la précarité. Donc, c'est très bien qu'on reste en liaison, voilà. Bonsoir. Alors, je m'appelle Ludovic Garattini. Je suis actuellement doctorant à Paris 3. Je sors d'une période d'ATER dans le Nord. Et je crois être passé par tous les statuts qu'un doctorant peut avoir dans un système tel que celui de l'université. Donc je suis certainement précaire de la première heure. Donc vos différentes interventions me touchent beaucoup. Je pense que ce soir, je peux me permettre de représenter deux groupes, parce que je vais un peu exprimer leur position. Le premier étant la CJC, la Confédération des jeunes chercheurs, je ne sais pas si vous connaissez. Et le deuxième étant la même chose au niveau européen, ça s'appelle Eurodoc. Donc je voudrais juste avoir peut-être une demande d'information pour la première intervention, une demande de clarification, ça j'ai bien compris. Et une question pour la deuxième. Donc la première pour vous, Monsieur Dubois, j'ai pas vraiment en fait compris l'organisation ou la séparation qu'il pourrait y avoir entre ce que vous appelez les IES, c'est bien ça, et l'université. Est-ce que finalement cette distinction apporterait au niveau universitaire une espèce d'orientation exclusive au niveau de la recherche? Est-ce que ça deviendrait finalement des quinzaines de pôles de recherche qui après pourraient prendre n'importe quelle forme? Tout cela dépend de la gestion de ces pôles-là. Donc il n'aurait plus à charge l'enseignement, c'est ça, hein? Voilà. Donc ça, c'est, si j'ai bien compris, c'est la réponse. Bon, après, il y a beaucoup d'implications que j'aimerais peut-être, dont j'aimerais peut-être discuter avec vous. Juste une réponse là-dessus. Les universités telles que je les conçois, master et doctorat, ont bien une fonction d'enseignement, donc de formation jusqu'au diplôme de master et jusqu'au diplôme de doctorat, et de recherche. Donc ça ne change pas par rapport à la situation des universités actuelles. Sauf que le cycle licence est sorti. Alors je reviens sur la question de la précarité aussi. Moi je trouve que les IES assainissent une situation qui ne me plaît pas du tout actuellement. Il y a deux générations, on devenait enseignant-chercheur, on pouvait l'être à 21 ans, assistant titulaire en sciences. Aujourd'hui, les maîtres de conférences, l'âge moyen de recrutement est 32 ans et quelques mois. Ce n'est pas admissible. Vous êtes dans cette situation-là. Alors, dans le système des IES, où n'existe plus le corps des maîtres de conférences, n'existe plus qu'un corps de professeurs des universités, le vivier, ce sont des agrégés. Alors, les agrégés, comme vous le savez, quand ils enseignent, on peut avoir l'agrégation à 23 ans, on enseigne, on est fonctionnaire titulaire, on a une paye. Et c'est parmi les agrégés que, je change aussi le concours de l'agrégation, hein, c'est-à-dire il faut qu'on mesure dans le concours d'agrégation une capacité à faire de la recherche. Sinon, mon système ne marche pas. Et c'est dans les agrégés qui ont enseigné 2 ou 3 ans dans les IUS qu'il y a le vivier de docteur. C'est-à-dire on prépare le doctorat quand on est fonctionnaire. C'est-à-dire on n'a plus cette histoire de bourse doctorale, de contrats doctoraux comme on les appelle maintenant, d'un post-doc, d'un deuxième post-doc, de manipulation pour permettre à quelqu'un quand même d'être ensuite sur un contrat de recherche tout en faisant des heures. Bon, ça suffit ce système-là. Et donc, ce sont les agrégés qui sont détachés dans des labos de recherche de l'université qui préparent leur doctorat. Je ne fais plus qu'un seul doctorat aussi. Hein. Il y a cette séparation HDR et doctorat. Quand on voit qu'en sciences, on peut faire l'HDR 5 ans après son doctorat et en économie et gestion aussi. Bon, abandonnons cette séparation. Et c'est pour ça qu'ils deviennent directement, une fois obtenu leur doctorat, ils peuvent postuler à un poste de professeur d'université. Donc, grosso modo, ils deviendraient professeurs des universités vers 32-33 ans, alors que c'est l'âge auquel accèdent les maîtres de conférences aujourd'hui. Donc les IES, c'est aussi un système d'anti-précariat pour ce qui concerne la fonction enseignante et de recherche. Ça poserait aussi des problèmes en termes de représentativité pour les jeunes chercheurs, mais ce n'est pas vraiment la discussion que je voulais lancer. Mais en plus, c'est très intéressant, je ne l'avais jamais entendu en fait, et pourtant j'ai assisté à beaucoup de conversations. Ce n'est pas admissible que des jeunes chercheurs soient massacrés pendant toute leur période. Je vous le dis parce que j'ai une fille et une belle-fille, qui l'une vient d'être recrutée comme maître de conf à 32 ans, l'autre vient d'être recrutée comme chercheur INSERM à 32 ans, après un parcours d'excellence que vous ne pouvez pas imaginer. C'est scandaleux. Ceci, j'imagine bien, j'ai eu beaucoup de retours de différents profils, c'est assez intéressant. Pour la deuxième intervention sur la précarité, justement, j'ai juste feuilleté ce que vous nous avez donné. Je sais qu'on a parlé de votre travail sur le réseau, puisque vos noms me disaient quelque chose, et maintenant je sais pourquoi. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas vu le document hein, dans son entier, je n'ai vu ça. Je ne sais pas quelle est la place justement de cette espèce de masse de fantômes que représentent les doctorants. Vous avez parlé d'ailleurs des SHS, ça me concerne puisque je suis moi-même en SHS. Je vois bien qu'il y a une énorme précarité et qui est un petit peu invisible, notamment du fait de la non-représentativité de ces jeunes chercheurs-là dans les instances décisionnelles et consultatives de l'université. Et c'est pour ça que finalement je m'intéresse autant au thème du biathos, etc., des professeurs, des maîtres de conférences. Mais je me dis que dans un fonctionnement universitaire, à travers la représentativité qu'offrent les collèges spécifiques, comment avez-vous vu cette précarité des doctorants, des jeunes chercheurs ? Sans avoir finalement peut-être aucune piste, aucun matériau à traiter, puisqu'il n'existe pas de collège spécifique pour les jeunes chercheurs. Comment avez-vous pu accéder à ces profils qui sont pour la plupart très difficiles à enquêter ? Est-ce que vous les avez eus ? Est-ce que vous avez contacté d'ailleurs ? Oui, alors en fait ça c'est parce que j'ai Je vais aller trop vite, j'ai pas du tout expliqué comment on a fait l'enquête. C'est pour ça qu'il y a... Non, en fait, l'enquête, on n'a pas contacté des gens en fonction de là où ils étaient, parce que justement, un des gros manques de la statistique institutionnelle, c'est qu'elle ne compte que les gens répertoriés, puisque c'est le boulot des institutions, alors que nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire, les institutions, quand elles comptent les précaires, elles ne comptent que les contractuels, donc les gens qui ont des... Donc tous les vacataires, tous ceux qui font du travail gratuit, tous ceux qui... Enfin, évidemment, tous ces gens-là sautent de la statistique officielle. Donc nous, on est parti à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait une enquête qu'on a diffusée le plus largement possible dans le milieu. Et c'est les gens qui se sont autodéfinis comme précaires qui ont répondu à l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas une enquête, c'est une enquête pour laquelle on n'a pas la population de référence, puisque justement la seule population de référence qu'on ait, c'est celle qui est comptabilisée de façon institutionnelle et en plus de façon complètement diverse d'un établissement à l'autre, parce qu'on compte pas forcément des gens dans les bilans sociaux, on compte des temps de travail, donc on n'a pas voilà les équivalents temps plein et ces choses-là, on n'a pas forcément les gens, en plus on n'a pas accès aux individus. Donc nous, on a fait l'inverse. Comme on n'avait pas de population de référence, l'enquête qu'on a faite n'est qu'une enquête exploratoire sur qui nous donne une photo de certaines conditions à un moment donné des personnes qui ont répondu, mais qui est représentative de rien dans l'ensemble, dans le sens où elle n'est pas constituée par rapport à cette population de référence. Donc on n'est pas allé chercher les gens. Du coup, il y a beaucoup de doctorants qui se sont... Et ça, c'est très intéressant de savoir qui, parmi les thésards, se définit comme précaire ou pas. Et nous, ce qu'on avait constaté quand on avait fait l'enquête localement, c'est que très vite dans la discussion pour la construction de l'enquête, où là, il y avait vraiment des gens très différents, on s'est dit, OK, dans la consigne, il va falloir qu'on dise bien que ça concerne aussi les doctorants. Parce que déjà, ceux qui étaient là, parce que ceux qui sont souvent le plus près, c'est pas aussi mécanique, mais quand même, ceux qui sont au plus proche des lieux de travail, c'est quand même ceux qui sont financés, donc les allocataires, etc. Et alors, ceux-là sont ceux qui se considèrent pas forcément comme précaires, sauf quand la fin du contrat arrive. Et ça, c'est un truc qu'on voit hyper bien, y compris en sciences exactes, c'est que dans les doctorants qui ont répondu, qui s'autodéfinissent comme précaires, c'est quand ils sont en fin de financement. Et que là, ils réalisent un truc aussi parce qu'ils ont une conscience de ce qui les attend après. Parce que la précarité, c'est le moment maintenant, c'est le fait de se rendre compte qu'en fait, on produit, on n'est pas juste en formation, c'est pas vrai qu'on n'est qu'étudiant, parce qu'en fait, on fait des cours, on organise des colloques, on fait du travail, enfin, il y a de la production de travail au même titre que d'autres travails, donc c'est pas vrai que c'est que de la formation. Et puis, il y a une réalisation, et ça, c'est... plus vrai pour les 10 dernières années, je pense, que en fait, non seulement là, on est précaire, ça va s'arrêter, et puis que derrière, ça va durer encore un bon moment pour beaucoup de gens. Et du coup, on se considère comme précaire parce qu'on sait qu'on va devenir précaire. Enfin, il y a un mécanisme comme ça qui se retrouve et qui se voit très bien sur les profils des gens qui ont répondu. Donc, c'est soit les gens comme ça, soit les gens qui ont galéré. Alors ça, c'est évidemment beaucoup plus fort en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, quoi. Enfin, qui travaillent ailleurs, qui font autre chose, qui, voilà, qui bricolent et qui font tout sauf de la recherche, qui ne sont même pas forcément prioritairement employés par l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on en a beaucoup, mais cette histoire-là, il y a une résistance forte à plein d'endroits de considérer les thésards comme des précaires. Ça ne va pas de soi. Mais c'est vrai que ça ne va pas de soi. C'est pas simple. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose. Et ce qui est fort aussi dans les réponses, c'est qu'on voit bien que la thèse, alors particulièrement la thèse en sciences humaines et sociales, mais je pense que ce n'est pas quand même que là que ça se passe, il y a une formation à la précarité. On intériorise. Et par exemple, ceux qui sont... Dans les réponses, moi j'ai étudié les... Je ne suis pas quantitativiste, donc je lisais les réponses qualitatives de fin de questionnaire. Et j'ai pas une exception dans les réponses. Tous les doctorants en sciences humaines et sociales qui ont un financement, donc essentiellement des allocations, tous ont un discours, quand ils s'épanchent quoi, sur leur situation, de culpabilisation, à dire qu'ils sont des privilégiés, que si... Mais bon, quand même, c'est dur de payer le loyer, le machin, avec 1100 euros par mois, ou 1200, je ne sais plus à combien elle était réévaluée un peu, mais que c'est quand même pas facile. Et toujours une projection dans l'avenir en disant, je crois bien que je vis mes années fastes maintenant, c'est après que ça va être dur. Et c'est intéressant quand même sur ce que ça dit de la projection et puis de la valeur qu'on accorde au SHS aussi, enfin... Bon, à l'intérieur même, certaine culture qui est développée, que ce soit par les anciens ou même par les doctorants entre eux. Ouais. C'est vrai. Vous comptez refaire une enquête, ce serait ma dernière question. Peut-être, si jamais vous comptez faire un suivi ou quoi que ce soit, vous pourriez peut-être contacter le tissu associatif, qui est très fort, hein. Quand même plus d'une quarantaine, une cinquantaine, rien qu'à la CUC d'associations qui sont locales et qui ont des moyens assez puissants d'enquête même de nombreux membres. Ouais. Je sais pas sur... si... Oui. Vous avez contacté pour la diffusion quand même du questionnaire, hein, parce que je pense que le questionnaire ne se serait pas diffusé comme ça s'il n'avait pas été pris en main par des collectifs, des associations. Oui. Il y a eu les syndicats, il y a eu souvent la recherche, souvent l'université. Enfin, il y a eu quand même, je veux dire, ça a été un travail collectif de diffusion, et c'est bien pour ça que nous avons eu autant de réponses. Et nous avons eu, on a eu très peur d'ailleurs, parce qu'au début, on voyait des réponses SHS, des femmes. Et progressivement, ça a été inversé, ça s'est inversé, c'est-à-dire que ceux qui ont répondu ensuite, c'est les biologistes, les physiciens, etc. Et là, on a eu une image progressivement, une image beaucoup plus proche, sans doute, de la réalité, avec effectivement des différences où on a, par exemple, pour les doctorants, puisqu'on a énormément de doctorants biologistes qui ont répondu. Et ça, c'était très intéressant parce que on ne peut pas faire de doctorat en biologie si on n'est pas allocataire, alors qu'en SHS, on a énormément de doctorants qui ne sont pas du tout allocataires. Donc on pouvait penser que la situation était tellement différente que finalement les doctorants biologistes ne se seraient pas sentis concernés. Justement pour les raisons qu'a dit Isabelle, il y a eu... c'est vraiment, on pourrait dire, dans les sciences physiques, les sciences de la matière, les sciences dures, disons, que les réponses ont été les plus faibles. Mais c'est sans doute là aussi que la précarité est la moins forte, parce qu'il y a des grands équipements et il faut du personnel extrêmement qualifié, stable, etc. C'est une organisation du travail sans doute propre aux grands équipements de physique ou d'astrophysique qui font qu'il y a moins de précarité dans ces secteurs. Alors, Étienne Boisserie, président de Sauvons l'Université. Je ne parle pas au nom de Sauvons l'Université ici, mais c'était pour me présenter. Je voulais poser des questions. Vous avez en partie répondu, en fait, tout à l'heure à la question que je souhaitais vous poser, mais ça m'en a, disons, provoqué d'autres. Alors, je vais vous les poser très simplement. Concernant votre système... Oui, non, mais on ne provoque pas systématiquement, hein, c'est pas inscrit dans les statuts de SLU, quoique on devrait. Alors, c'est sur l'articulation, en fait, entre la licence et, enfin, disons, les licences de l'IES et master doctorat. Donc, vous avez répondu en partie à la question, mais en même temps, il y a trois questions précises que je veux vous poser. D'abord, savoir si vous avez évalué les effectifs nécessaires d'enseignants en master et doctorat, donc de professeurs, si j'ai bien compris, enfin, ayant statut de professeur des universités. Deuxième question, pensez-vous, dans ce système-là, pouvoir faire l'économie de personnel non professeur des universités pour intervenir en master et doctorat? Autrement dit, est-ce que vous ne proposez pas quelque chose qui aurait tendance à renforcer le phénomène décrit par les deux collègues, à savoir une précarisation parce qu'encadrement nécessaire? Et troisième point, comment s'articulerait le vivier issu des agrégés qui seraient déjà intervenus au niveau licence et le vivier issu des doctorats dans le cadre de la politique de recrutement? C'est-à-dire, que se passe-t-il en fait pour les doctorants ou les docteurs qui ne sont pas passés par l'agrégation, qui sont juste... Il n'existe plus. Alors, à quoi sert notre doctorat, alors? Ah, il n'existe plus. Bon, bah, vous avez répondu à la question, d'accord. Donc, il n'y a plus de docteurs, alors? Si, mais pas des docteurs... Bon, je vais... Et une dernière précision, parce que l'honneur de SLU était en jeu, et comme vous avez ici un dixième du CA de SLU, nous avons la réponse. Alors effectivement, ce n'est pas dans le communiqué de presse, l'histoire du stage en deuxième année de licence, mais c'est dans le discours du 17 décembre. Oui, ça vous avez raison. La deuxième année sera placée sous le signe de la professionnalisation. Un semestre de professionnalisation pourra être l'occasion d'effectuer un stage. Pourra être l'occasion, en langage pécrétien et sarkozyste, ça veut dire que ça sera comme ça, d'effectuer un stage. Donc la deuxième année. Voilà. Mais sur les trois questions, merci. Bon, il est vrai que j'ai réfléchi surtout à l'organisation des IES, donc de l'organisation de la licence. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la structuration des masters et doctorats. Qu'est-ce qui serait changé par rapport à la situation actuelle, sauf le corps professoral? Alors, première question que vous posez, c'est celle, grosso modo, des effectifs nécessaires pour enseigner dans les masters et dans les doctorats, ainsi que les écoles universitaires d'ingénieurs, de management, de sciences politiques, etc. Certainement plus qu'il n'y en a actuellement. Ça, c'est, je peux vous répondre à ça. Alors, comment on gère le, pas le stock, mais le flux? Ben là, c'est peut-être un peu plus facile de gérer le flux, puisque, grosso modo, il y a le flux de sortie, c'est-à-dire les gens qui, bon, quelques-uns partent dans le secteur privé, dans les professeurs des universités, puis la plupart, quand ils quittent, c'est parce que soit ils meurent, soit ils partent en retraite. Donc, du point de vue de l'estimation des flux, du nombre de postes à ouvrir dans les labos de recherche pour les agrégés des IES, ça, c'est relativement simple. Sachant que, puisque ce seraient des agrégés qui mèneraient leur doctorat avec leur salaire maintenu, le taux de non-finition de la thèse serait marginal. Bon, il y aurait, bon, il faut espérer aussi que certains se soient trompés et puis disent, bon, en définitive, je ne fasse pas le doctorat. Donc, pour estimer les flux de doctorants nécessaires, ça, ce ne serait pas trop compliqué. Le nombre, le stock d'enseignants-chercheurs nécessaires, donc de professeurs des universités, bon, j'ai pas fait, mais ça ne doit pas être trop compliqué non plus, sachant qu'il faut un encadrement qui soit bien plus important que celui actuel, y compris en master. Parce qu'il y a quand même des effectifs dans certains masters, surtout dans les MA, qui, bon, puisque les MA sont NAC, hein, NAC, c'est-à-dire sont nuls à chier. La réforme du LMD a été un recul en arrière du point de vue par rapport à l'année de maîtrise. Puisque comment se sont faits les MA, on a dit qu'il n'y a pas question d'habiliter 36 spécialités de master comme il y avait au temps des ESS. Les deux ESS ont dû se regrouper. Donc ils ont inventé ensemble une année de MA qui n'a aucune espèce d'intérêt. Bon, c'est un autre problème. Bien entendu qu'il faudra aussi, dans les masters, pas en doctorat, sauf les doctorats, disons, de sciences appliquées, où on pourra envisager une co-tutelle de thèse avec un professionnel d'entreprise. Bien entendu, il faudra dans les masters qu'il y ait aussi une progression de ce que j'appelle, moi, le statut de professeur associé à mi-temps. Les professeurs associés à mi-temps sont des professionnels qui, de par leurs compétences professionnelles, viennent enseigner à l'université pour leurs compétences professionnelles, des compétences que n'ont pas les enseignants-chercheurs. Sachant que ce statut de professeur associé, maintenant, il est brinque-ballant, puisqu'il y a responsabilité et compétences élargies. Avant, il y avait des supports budgétaires, c'était l'État qui donnait des supports budgétaires de professeurs associés. Maintenant, logiquement, il n'en donne plus. Et c'était, bien entendu, réparti inéquitablement entre les universités. Moi, j'étais dans une université, la dernière à Marne-la-Vallée, où il y avait 80 supports budgétaires de professeurs associés. C'était un quart du corps professoral. Donc il faut des professionnels dans les masters, pas seulement des enseignants-chercheurs, professeurs des universités. Alors, le doctorat, bon, comment dire, par rapport à un doctorat 3 ans après le bac et par rapport à l'habilitation à diriger des recherches, bon, s'il n'y a plus qu'un seul corps de professeurs, il n'y a pas besoin de deux niveaux de thèse. Honnêtement, mais j'ai pas de pensée définie là-dessus. Hein. Je crois que la thèse en 3 ans. Bon, rendez-vous compte. Si l'agrégé a fait 3 ans en institut d'enseignement supérieur, il a donc 27-28 ans. Et il arrive pour faire son doctorat dans un labo avec sa paye. C'est-à-dire pas de question de penser après. Après, il peut retourner dans l'institut d'enseignement supérieur où il se dit bon, il a fait une bonne thèse et il a toute chance d'être recruté comme professeur après. Donc, je vis, si vous voulez, des professeurs d'université à 30 ans. Parce que ceux qui m'insupportent profondément, ce sont les concours d'agrégation dans certaines disciplines du supérieur. Je vise les sciences politiques, l'économie et la gestion, où des gens échouent sur des postes de maître de conf et réussissent l'agrégation, donc sont profs à 30 ans. Bon, moi, je souhaite que ça soit généralisé, que les agrégés qui ont obtenu leur doctorat bon, deviennent professeurs des universités dans la trentaine, quoi. Après, est-ce qu'ils doivent le rester toute leur vie? Ça, c'est une autre question. Moi, j'envisagerais bien, si vous voulez, on ne recherche pas et on n'enseigne pas de la même manière toute la vie. Moi, je verrais bien des mouvements, en particulier dans les instituts d'enseignement supérieur, entre des gens qui étaient biatos et qui, tout d'un coup, ont commencé à donner des cours parce qu'ils avaient une spécialité professionnelle en finance, en compta ou en informatique, des échanges, c'est-à-dire qu'un biatos peut devenir un jour passer la grègue interne et puis devenir enseignant dans ces instituts d'enseignement supérieur. Et inversement, un enseignant chercheur ou un professeur agrégé passe dans la fonction administrative. Mais que ça soit clair, hein, qu'il n'y ait pas des décharges ou des primes qui s'accumulent. Changer de carrière en cours de route, pourquoi pas. Sur des contrats de longue durée, je crois que malheureusement, on ne va pas y couper, quoi. C'est-à-dire, je ne crois pas que, quel que soit le gouvernement à venir, la fonction publique est beaucoup d'avenir. Donc il faut envisager des contrats de très longue durée. Mais avec aussi des sortes de reconversions garanties. Bon, mais ça, je n'ai pas de pensée achevée là-dessus. Bon, je ne sais pas si je... Les perspectives sont pas absolument réjouissantes. Si vous voulez, les questions de l'égalité de traitement entre les enseignants. Parce que si vous prenez les lettres, arts et langues, un peu moins les sciences humaines et sociales, qui est-ce qui enseigne dans les universités? Ils sont tous agrégés. Et alors, la longueur de leur thèse et d'habilitation à diriger des recherches, moi j'ai un collègue qui était directeur de l'UFR, il passe son habilitation à diriger des recherches à 52 ans. Bon, le poste de prof lui est chauffé. Sur place, il va voir... par rapport à un prof d'économie qui a l'agrégation d'économie et qui a 30 ans, bon, après, toutes les carrières sont différentes. Oui, alors, du point de vue des carrières, j'abolis aussi cette chose stupide et qui énerve tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs deuxième classe, première classe, classe exceptionnelle, premier échelon, et classe exceptionnelle, deuxième échelon. Non, il ne faut pas déconner. Une fois qu'on est professeur d'université, on a une carrière à l'ancienneté, il y a suffisamment de moyens de se faire du fric en dehors, avec les contrats de recherche, un seul corps et pas, disons, des blocages à chaque fois, des goulots d'étranglement pour passer à la première classe, des goulots d'étranglement pour passer à la classe exceptionnelle. Alors, si je fais un corps d'agrégés dans les IES, c'est que je ne supporte plus le CNU et je ne supporte plus les comités de sélection. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est anachronique. En y réfléchissant sur 40 ans, les syndicats ont à défendre les intérêts des gens. Ils n'ont pas à estimer la qualité scientifique des gens au CNU. Qu'on soit élu sur liste syndicale au CNU, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne défend pas les gens de son syndicat pour la qualification en fonction de maître de conf ou en fonction de professeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau des comités de sélection, bon, regardez tous les concours. J'ai vu paraître aujourd'hui les concours de maître de conf et de professeur en sociologie, ma discipline. Bon, 75% des postes sont profilés, c'est-à-dire on peut mettre un nom dessus. Le concours d'agrégation, c'est un concours national. Il n'y a pas de copinage. On ne fait pas. Les concours de la fonction publique pour le recrutement des enseignants-chercheurs ne sont plus des concours de la fonction publique, ni la qualification. Rendez-vous compte, le CNU de sociologie s'est tenu 36 membres du CNU, pas n'a ouvert sa gueule cette fois-ci, pour dire au vice-président du CNU qu'il est un plagiaire. Le CNU a fonctionné. Vous vous rendez compte ? Oui, mais parce que chez vous, vous avez des problèmes, manifestement. Ce n'est pas le cas dans toutes les sections. Non, mais j'espère, mais l'histoire du clientélisme, du copinage, népotisme, il est un peu exacerbé en sociaux. Donc le concours d'agrégation supprime ça. Comment vous faites pour le passage PU ? C'est parce que vous dites les comités de sélection, les sections du CNU, non. Mais comment est-ce que vous faites le recrutement? Oui, pour le master. Une fois que quelqu'un est docteur, l'entrée en master, il y a sélection, bien entendu. Alors, oui, on supprime cette sélection à l'entrée du M2, pas à l'entrée du M1. Je ne comprends pas. Vous ne répondez pas à la question que j'ai posée. Enfin, comment se sélectionnent les agrégés docteurs pour qu'ils deviennent professeurs dans un lieu donné? Oui. Le confie quand même au local. Au local. Au local, mais avec un autre type de comité de sélection. On peut imaginer, vous savez, dans l'histoire du CNU, si on refait toute l'histoire, bon, il y avait d'abord recrutement local, puis c'est le CNU qui décidait, et maintenant on a une situation inverse. Il y avait des choses qui étaient... Moi, je fais partie d'une génération où c'est le CNU qui plaçait. C'est-à-dire, on était classé par des commissions de spécialistes locales, et ensuite, c'est le CNU qui vous nommait. Et le jour où le CNU m'a nommé à Lille, c'est pas du tout ça que j'attendais, mais bon, j'y suis allé quand même. Mais bon, c'est pas simple. Est-ce qu'on recrute sur des postes locaux par une instance nationale? Si elle est à majorité d'élus syndicaux, je dis non et non. C'est pas la fonction des syndicats de qualifier, c'est pas la fonction des syndicats de recruter. Au niveau local, les comités de sélection sont une régression par rapport aux commissions de spécialistes. je le dis nettement. Les commissions de spécialistes, il y avait toute la communauté enseignante. Maintenant, on fait des comités de sélection ad hoc, c'est-à-dire on ne retrouve qu'une partie des enseignants. Et en fonction de la Constitution, là aussi, ça ajoute les questions de copinage, et de népotisme dans certains cas, bien entendu, mais au moins de clientélisme et puis de copinage. C'est-à-dire, moi, quand je vois dans mon université qu'un concours de professeurs a été retardé d'une année parce que la personne qui doit être professeur n'est pas encore prête, et que surtout elle doit écluser le contrat de recherche sur lequel elle est payée, sinon on perd l'argent. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire un an avant, un concours de la fonction publique est déjà prévu pour une personne donnée. Et puis, il y en a marre des profils de recrutement, quand vous regardez les profils qui sont affichés. Bon, je suis aussi contre la procédure au fil de l'eau, le recrutement au fil de l'eau, c'est toutes les manips possibles et imaginables. Il n'y a pas de publicité qui est faite sérieusement. On ne peut pas imaginer qu'un concours de recrutement, le profil de poste soit le copier-coller du candidat. J'en ai vu aussi ça, des copier-coller. Bon, vous allez dire que c'est dans ma discipline, mais bon. Mais même dans les sciences dures, à la limite, si vous voulez, il faut recruter. Qu'un labo ouvre des postes de docteur, et si la thèse a été bonne, bon, le gars devient professeur dans le labo où il est, ça simplifie, il n'y a même plus de comité de sélection. C'est-à-dire que ça se fasse au niveau de l'appel à projet sur, voilà, on a besoin d'un enseignant-chercheur en recherche pour ce labo-là dans les 3 ans parce qu'il y aura un départ en retraite, pourquoi pas l'annoncer au départ. Et si le gars fait sa thèse brillamment, bon, s'il fait une thèse de merde, non, mais... Oui, non, mais moi j'aime... Je sais bien, je joue. Non, je dis qu'elle est extrêmement menacée. Voilà. Et donc, on est obligé de prendre acte de la menace tellement imminente que la fonction publique d'État est déjà morte. Je crois que si. Elle est... Oui. Avec des recrutements intra-labo, je pose le problème. Oui, j'espère que cette idéologie-là, disons, du libéralisme, en tout cas, va se casser la figure. Mais c'est malheureusement, au moins au niveau européen, mal parti, quoi. Toute petite question, Emmanuel de Lescure, UPEC, ex Paris 12, près de Marne-la-Vallée. Et donc une question à Isabelle Claire et Annick Kiefer. Vous n'avez pas dit l'éditeur de l'ouvrage ou c'est moi qui n'ai pas entendu? Je ne sais pas. Et puis une question à Pierre Dubois. Que deviennent les formations qui sont assurées par ou régulées par les professions et qui n'ont pas forcément de doctorat, donc les formations du travail social, les formations d'infirmières, ce qu'elles rentrent dans les IES, et comment prépare-t-on l'agrégation? Donc, c'est-à-dire, comment devient-on... Alors, je sais bien que maintenant, il y a des M2 et d'enseignants pour devenir prof, mais il y a des diplômes d'État qui sont à Bac plus 3... je vois bien dans le système IES un système où on passe une licence et à la fin on passe aussi un concours et un diplôme d'État qui a Bac plus 2 ou à Bac plus 3, ce qui pose des problèmes assez difficiles. C'est si on rate le concours mais qu'on obtient le diplôme, enfin comment on fait? Voilà, donc ces questions-là, est-ce que vous pourriez m'éclairer dans votre projet? Oui, les effectifs de l'enseignement supérieur. Juste, mais ça va, comme ça va durer 10 secondes. Oui, on a rien dit ni du titre, ni de l'éditeur, ni de la sortie. Donc ça s'appellera recherche précarisée, recherche atomisée, production et transmission des savoirs à l'heure de la précarisation. Donc, l'auteur, c'est le collectif PECRES. Chez Raison d'agir, le livre coûtera entre 8 et 10, pas encore bien. Et ça sort début avril, on n'a pas la date exacte, mais ça va être par là. Voilà. Le foncé, je vous le dis, je vous dis toutes les infos que j'ai pour le reconnaître. Oui, alors, si vous regardez les effectifs de l'enseignement supérieur, on voit que les effectifs qui sont hors classe supérieure des lycées et hors université comprenant les DUT progressent. Y compris donc les formations faites par les IRTS et les formations paramédicales. Alors pour les soins infirmiers, bon, vous avez vu, il y a LMDisation, c'est clair que Pour moi, les formations de soins infirmiers s'intègrent, c'est la voie professionnelle d'un domaine santé des IES. Il y a une voie longue qui prépare, disons, au diplôme de médecine, d'odontologie, pharmacie, etc. Mais il y a des formations paramédicales, comme les infirmiers, qui ont tout à fait leur place dans les IES. Donc il faut les réintégrer. Alors, bien entendu, là, si vous prenez les écoles de soins infirmiers, il y a des écoles privées. C'est-à-dire, la Croix-Rouge a ses écoles. Bon, il y a les grandes institutions qui ont leurs propres écoles. Et Esterlabourg sur le territoire aussi, entre privé et public. Donc, la grande interrogation, c'est comment les IES, instituts publics, peuvent récupérer, du point de vue de l'attractivité, pour les étudiants. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent en IES plutôt que d'aller dans les écoles privées. Alors, les IRTS... Le problème des... Après, je reviendrai sur les diplômes d'État, hein, parce que c'est effectivement un sacré problème, quand il y a nécessité d'avoir quelque part un diplôme d'État. Pour les IRTS, le problème, c'est qu'après le bac, elles ont tellement de... Les IRTS ont tellement de... En plus, financement régional. Ils ont tellement de demandes qu'ils peuvent sélectionner des gens qui sont bien après le post-bac. Donc, du coup, on arrive à voir dans les formations ici ou là, moi je l'ai vécu à Marne-la-Vallée, on a créé en sociologie une filière préparatoire au concours d'entrée dans les IRTS. Donc, ça veut dire que c'est une année, deux ans de perdu pour les étudiants, puisqu'ensuite ils reculent après le bac, et c'est de la dépense publique qui est quand même une dépense publique, hein, c'est-à-dire l'argent des citoyens. De même que les réorientations. On voit les réorientations, c'est vachement bien parce que les étudiants ils trouvent enfin sa voie, mais ça a coûté une année d'impôts des citoyens français. Donc les IES seraient vachement coûteux parce qu'ils seraient sur 13 ou 14 000 euros par étudiant par an, mais il y aurait aussi des parcours plus rapides, donc grosso modo. Alors les IRTS, moi aussi je les mets dans les... Bon, c'est difficile, hein. On n'a pas parlé du financement des IES. Financement d'État ou cofinancement avec la région? Je ne suis pas... Tout dépend si l'État transfère aux régions non seulement les compétences, mais le budget. Hein, c'est tout le problème de la décentralisation. Si vous faites monter les compétences des régions sans leur donner le budget afférent... sauf à augmenter les impôts à disposition des collectivités territoriales, c'est bon. Comme les IRTS sont des instituts publics, oui, je les mets dans les IES. Alors, les diplômes d'État, ça, c'est le plus casse-pied. L'autre jour, j'étais journée portes ouvertes au lycée Jean Rostand à Strasbourg. Je fais ça puisque retraité, là, je peux aller où je veux. Et avec un peu de culot et l'appareil photo, on entre et on voit tout le monde. Alors, comme je dirigeais à Marne-la-Vallée une licence professionnelle, management des organisations de l'économie sociale, on avait des gens qui venaient de STS, comment il s'appelle, conseiller d'économie sociale et familiale. Alors, c'est bizarre ce truc-là, parce que c'est un BTS, mais il faut une troisième année pour pouvoir passer le diplôme d'État. Mais il n'y a presque plus de cours. Donc, nous, on avait des étudiants qui venaient en licence professionnelle avec un BTS économie sociale et familiale, et qui, la même année que la licence professionnelle, passaient le diplôme d'État. Si vous voyez toute la filière STAP, c'est pareil. Hein, pour exercer dans certains des métiers, il faut le diplôme d'État, ministère, jeunesse et sport. Donc le fait qu'il n'y ait pas seulement l'éducation nationale, mais qu'il y ait une série de ministères qui exigent des diplômes d'État pour exercer le métier de fonctionnaire, ou fonctionnaire national ou fonctionnaire territorial, ça, c'est une question. Moi, je n'ai pas approfondi le problème, mais c'est bien que vous le posiez parce que ça va me stimuler à chercher une... Et pour le fait qu'il n'y ait pas de doctorat, donc les agrégés qui enseigneraient dans les écoles de santé aux infirmières, qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ils font pour relier... Pour passer leur agrégation. C'est-à-dire il faudrait ouvrir une agrégation de médecine pour enseigner dans les IES. Il en manque, vous savez, deux, il n'y a que trois. Ils ne pourraient pas préparer de doctorat, eux. Non, les agrégés, ils font leur doctorat après pour devenir professeurs d'université. Les enseignants dans les IES sont agrégés sans doctorat. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'agrégation? C'est-à-dire en quoi le concours d'agrégation du secondaire et des classes supérieures, mais aussi des gens qui sont détachés dans le supérieur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du concours? Je disais tout à l'heure, bon, il faut que dans le concours, il y ait une estimation de la capacité à faire de la recherche. Donc du coup, ça pose la question du mémoire de master. Donc, il y a que dans le concours d'agrégation, on puisse prendre en compte la qualité du mémoire de master. Alors, est-ce que ça veut dire réintroduire une distinction entre master professionnel et master recherche ? Moi, je ne souhaite pas, parce que je trouve que c'est mieux au niveau de parcours individuel que isoler deux types de master. Mais donc, dans le concours de l'agrégation, on pourrait imaginer aussi un concours d'agrégation qui ait une partie de contrôle continu. C'est-à-dire que les résultats obtenus en master, y compris pour ce mémoire, donc ça devrait être un mémoire de recherche dans ce cas-là, pour le concours d'agrégation. L'agrégation, ça se passerait quand ? Au même âge qu'actuellement. C'est-à-dire, maintenant, l'agrégation, il faut avoir le master 2 avec la réforme. Passerait le concours d'agrégation les gens qui ont obtenu le master 2. J'espère.